Est-ce que je t'ai déjà dit que l'homme a trois âmes? La première, c'est ton corps. Elle se voûte, elle trébuche, et elle finit avec ta vie. Puis il y a celle qui fait l'ombre derrière toi quand tu vas sous la lune. Elle, c'est ta seconde âme. Celle qui montera au ciel sitôt après ta mort pour aller s'asseoir sur les genoux de notre petit père et se faire caresser. À peine mort et... elle ressort par ta bouche. Le temps de déplier ses ailes et tu sais qu'elle s'en va. Une qui pourrit, une qui s'envole. Comment ferais-tu s'il ne te restait encore une âme pour marcher jusqu'à l'au-delà? Heureusement, elle est toujours là, celle-là. C'est la troisième. Elle connaît tout de toi. Chaque endroit où tu t'es assis, où tu as dormi, où tu as mangé. C'est ton âme du voyage. Celle qui t'emmène dans l'autre vie. Elle te ressemble en tout, sauf qu'elle ne vieillit pas. Quand tu te voûtes, elle reste droite encore pour guetter les choses que tu laisses tomber, partout, que tu oublies derrière toi. Car avant de quitter ce monde, tu dois avoir tout repris, même tes chics de coca. Chilling. Ça fait un petit tintement si tu tends bien l'oreille. Chilin, pour chaque trace ramassée. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Épisode 1. L'art de respirer une fois sur deux. Il fait encore nuit. Didier m'aide à charger les sacs dans le taxi. Soudain des cris à la fenêtre. C'est mon fils, à peine sorti du lit. Il nous appelle d'une voix brisée, il croit qu'on s'en va tous les deux. Qu'on l'abandonne. Je suis presque à repousser Didier pour ne plus voir cette petite main là-haut qui me perce le ventre. Ça y est. Il l'a pris contre lui. Et plus le temps de monter, moi aussi, me serrer à leur grappe. Je m'assois à l'arrière, claque la portière. Et le petit qui crie encore me supplie de rester. Jusqu'au coin de la rue, son cri, ma main et la vitre refermée. Roissy 1, Roissy 2. Roissy 2. Qu'est-ce qui m'a pris ? De quitter ainsi les draps tièdes, tous ces inassouvis, l'impression de laisser derrière moi le désordre, de l'avoir inventé. Parce qu'il n'y a rien en face, qu'une destination. Je sais déjà que je ne retrouverai jamais intact ce que je laisse ce matin derrière moi. Et mon enfant le sait aussi. Vous partez pour le travail ? Non. Pour les vacances, alors ? Non plus. Je pourrais lui parler de la bourse, ce projet de livre en Bolivie et au Pérou. Lui dire que j'ai appris la langue, habiller l'inexplicable comme à le rendre moins indécent. Je pars seulement pour partir. Et ça, qui le comprend ? Comme l'âme du voyage connaît le jour de notre mort, elle part avant pour ramasser nos traces. Il arrive qu'on la croise au crépuscule, assise sur une pierre. On la prend pour l'homme qu'on connaît. On ignore que l'on parle avec son âme, parce qu'à cette heure, tout se confond. Plus tard, dans un autre village, on croise l'homme encore une fois. Et l'on comprend alors qu'on a parlé avec son âme du voyage. Et que cet homme-là, il va mourir bientôt. Mais comment faire alors pour ne pas confondre l'homme avec son âme, s'ils se ressemblent tant? L'âme, tu l'entends pleurer. Car elle ne ramasse pas seulement les rognures d'ongles ou les cheveux. Elle reprend aussi les souvenirs. Et même le plus pauvre d'entre nous, il arrive quand même qu'il ait été heureux. Alors le bonheur nous revient. Et en même temps qu'il nous revient, il faut l'enrouler comme une laine autour de la pelote. Puis repartir encore. Un peu de ma tristesse est restée sur le siège de la voiture. Chilling. Et quelques cheveux aussi, certainement. Ici, rien ne peut m'atteindre. Je suis entrée dans l'intervalle. Les aéroports ont été inventés pour que nous puissions trouver à déambuler entre deux moments de notre vie. Lorsqu'on ne sait plus quelle heure il est, ou si l'on a faim, c'est qu'on peut arriver, enfin. On est passé dans l'autre vie. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de La Paz El Alto. Construit sur un terrain vague à 4300 mètres d'altitude, l'aéroport d'El Alto semble dévolu aux destinations hasardeuses, aux départs chaotiques, aux projets sans allant. Bâtisse d'agglomérés, entourée d'un grillage branlant et desservie par une autoroute de boue séchée. Derrière, une ville de poussière et de vent, visitée par des sacs de plastique gonflés comme des spectres qui reculent lentement. El Alto est de ces villes qui paraissent démolies déjà avant que d'être nées. Murs béants, reprisés de bâches et de grillages, et partout ces grands chiens pour garder les accrocs. Des bêtes sales et sourcilleuses, couchées au seuil des maisons ou réunies en milice devant les tas d'ordures. Soudain, la ville bascule. On tombe dans le trou. La Paz. Un gouffre tapissé de bougies. Multitude de petites flammes qui tremblotent jusqu'au lointain. Sont-ils tous endormis ? Aucune fenêtre éclairée. Ces murs éteints donnent à la ville les allures d'une nécropole pavée de routes abyssales, où les voitures garées tiennent suspendues dans la pente, on ne sait trop comment. Avec à chaque carrefour, ces perspectives insensées de passerelles, de ponts-levis, de collines et de falaises. Et tandis que l'on descend, on descend, on descend. Je ne ressens plus aucune fatigue. J'énumère. Mes voyages commencent toujours par ces bafouillages d'entre deux lèvres, mélange de gratitude et de prière pour tout ce qui trémule un instant sous l'orangée d'un lampadaire et que je ne sais pas nommer. Une amie bolivienne m'a donné l'adresse de son frère à La Paz. C'est lui qui vient m'ouvrir. Hirsute, en pyjama, il m'accueille en somnambule, les yeux presque fermés. Quelques mots confus, il me conduit dans le noir jusqu'à une chambre et disparaît. Plus de bruit. Mon Dieu, mais je n'ai pas sommeil. Envie de sortir et regarder encore. Des heures, je resterai ainsi éblouie au carreau. À mon réveil, ils sont déjà tous partis. une table rutilante, des fauteuils couverts de plastique encore, une grande télévision. Sur la table, trois tranches de pain et une clé. Je sors aussitôt. À peine sur le trottoir, je me cogne aux montagnes. Elles aimantent mon regard. C'est qu'ici, elles respirent comme des géants figés entre deux gestes. Une terre légère leur couvre le torse et les épaules, révélant jusqu'au moindre détail. Torsion d'épaule, nuque courbée. La ville s'est répandue partout entre leurs cuisses. Les gens sont groupés au carrefour où sont les vendeuses de fruits, d'herbes médicinales et de bonbons. San Francisco, voy al centro. Sube, sube, venga. Gracias. Les bus s'appellent des collectivos. Des fourgons Volkswagen décorés comme des roulottes, rideaux frangés aux carreaux, des vierges et les pattes de lapin sous le rétroviseur. On y dort, on y mange. Parfois aussi on farfouille discrètement dans le sac du voisin. Devant nous, une barricade de grévistes. Des hommes armés de baramines et de gourdins s'élancent vers le collectivo. Le chauffeur n'a pas le temps de discuter que les phares explosent sous les coups. C'est toujours violent comme ça, les grèves? Il faut se manier. Une vieille dame m'entraîne dehors. Viens par là, c'est plus court. Passé la palissade, la ville s'interrompt. Des arbres immenses qui ne semblent pas soupçonner l'imminence du béton. Partout, dans les ombres, des enfants endormis avec ces sommeils trop profonds d'alcool ou de solvant. Les yeux blancs, la peau zébrée de crasse, de sang. Au bord du trottoir, des femmes cassent des cailloux, les nattes nouées derrière leur dos. J'apprends qu'elles ne travaillent que pour l'assiette de soupe. Un corps nourri comme une machine, rangé la nuit sous un carton. Sur ce plateau d'altitude, la course à la tiédeur pousse les plus riches à descendre dans un fond de vallée, une grande souricière tapissée de jardins. Aberration stratégique et géographique qui fait de La Paz la seule ville au monde où l'élite se tient à la merci à la fois des plus pauvres et des pluies torrentielles. Ces deux périls les plus certains. Chaque nuit, des milliers de regards s'allument sur le flanc des montagnes. Chaque jour, les nuages s'amoncellent, tandis que tout dégringole sur ces mamelons terreux comme des châteaux éteints, par ce glissement sournois qui met des marches aussi dans le lit des ruisseaux. Ici, on bâtit dans la renverse des ponts chargés de retenir les gouffres. À la nuit tombée, je rejoins un cocktail pour la sortie d'un livre. Assis à côté de moi, Manuel Vargas, un auteur de romans noirs. La dictature l'a maintenu hors de Bolivie pendant longtemps. Il me parle de ce bonheur de publier dans son pays. Tenía unos ojos azules enormes y convincentes. Asevero que los inválidos son seres malignos. Ensuite, pendant que nous rentrons, Manuel me lit l'extrait d'un livre qu'il gardait dans sa poche. Ma fatigue est si forte que tout se mélange dans ma mémoire avec la sensation curieuse que le personnage de la nouvelle chemine maintenant à côté de nous. C'est une histoire d'orgie organisée dans des bars clandestins où les infirmes vont danser depuis toujours. Est-ce que je comprends tout ? Je me retourne plusieurs fois. Des chiens nous talonnent. Les pavés scintillent le long de vieilles maisons éteintes, les toits percés par des arbres hésitants. J'habite la chambre des enfants grandis, sous les livres d'école et les peluches fanées. Mes hôtes viennent de rentrer. Depuis 3 jours que je suis là, je n'ai pas pu les rencontrer. Le quechua fait plus qu'ouvrir des portes. Il brise aussi les vitres. Il y a Hugo, le père, Flora, la mère, et deux jeunes filles de 13 ans environ. Lui parle quechua, elle, aymara. Ils viennent d'un village à 5 heures d'ici. Avant de devenir professeur de chimie, Hugo a d'abord porté du sel d'un côté à l'autre de la frontière. Puis il est venu en ville, décharger des camions, en même temps qu'il commençait les cours du soir. Flora, qui gardait les lamas et tissait des ceintures, est aujourd'hui infirmière de nuit dans un hôpital. Mais je suis étonnée de ne trouver aucune trace de leur vie d'avant. Ni sur eux, ni dans leur maison. Aucun tissage, aucune poterie. Rien ici ne rappelle leurs racines. Je distribue mes cadeaux, un foulard pour chaque fille. Quelle n'est pas ma surprise au moment de passer à table d'en voir une des deux disparaître en cuisine pour revenir servir avec un tablier, s'éclipsant après chaque plat. Cristina, qui vient du même village, suit les cours du soir de 19h à 22h, une fois son service terminé. C'est bon, Cristina. Je t'écoute. Recette du cochon d'Inde pané. Tu prends un koui, wilayuk. Un cochon d'Inde bien gras. Tu les tues et tu le coupes. Comme ça. Tchac! Tu enlèves la peau et tu le laves bien. Ashkata. Ensuite, tu prends une manka et tu le mets à cuire dans l'eau avec des herbes. Quand le couteau pique et que la graisse sort, timpuskanya, il est prêt. Tu le sors, tu coupes et chaque morceau tu le cuis dans la poêle avec un peu de farine et des poudres de pain. Tu peux servir avec du choclo. Le choclo? Chaita. Ah, du maïs. Et de la yuca aussi. Regarde, ça c'est la yuca. Je n'ai pas encore trouvé la chambre de Cristina. J'ai pensé d'abord qu'elle m'avait cédé son lit. L'appartement est petit. Suri, l'autre jeune fille, occupe la plus grande pièce de la maison. Une chambre avec des miroirs, une télévision et des coussins en forme de cœur. Hier soir, en allant la saluer, j'ai vu mes deux foulards pliés l'un sur l'autre dans son placard. Miraflores, calle Cuba, por favor. Vous êtes américaine? Non, française. Parce que les Américains, ils aident toujours l'armée. Ils seraient capables de faire tuer Evo. Si, seguro. Evo Morales est le premier président indigène d'Amérique du Sud. Ici, tout le monde l'appelle par son prénom. Non, d'un village, loin d'ici. Et vous comptez y retourner pour les fêtes de la Toussaint? Où ça? Dans votre village? Non. Vous n'y retournez jamais? Un jour, les militaires sont arrivés dans mon village. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont pris les bébés, tous les bébés, même ceux qui étaient sur le dos des femmes. Ils les ont pris pour les jeter dans un grand feu. Mon Dieu, mais pourquoi? Parce qu'on s'était révoltés pour les terres. Les propriétaires ont envoyé ces hommes pour nous mater. Moi, ma mère m'a caché dans le four, ils ne m'ont pas trouvé. J'étais le seul bébé de tout le village à avoir survécu. Dès que j'ai pu, je suis parti. C'est ce même soir que je découvre sur l'étagère de ma chambre ce livre d'Eduardo Galeano, dans lequel il raconte comment les militaires espagnols arrivaient dans les villages indigènes au début du XVIe siècle. Avant chaque entrée militaire, les capitaines conquérants devaient lire aux Indiens, sans interprète mais devant greffier, une longue mise en demeure. Si vous refusez ou temporisez par malice, je vous certifie qu'avec l'aide de Dieu, nous vous assaillirons de toutes nos forces, nous vous ferons une guerre sans merci, vous soumettrons au joug et à l'obéissance de l'Église et de Sa Majesté, vous prendrons vos biens et vous ferons tout le mal que nous pourrons vous faire. Et c'était lu en espagnol, à des oreilles qui n'entendaient que le quechua. Je suis réveillée par les chiens. Descendus de l'alto, ils occupent les carrefours. Des loups furieux qui se battent entre eux, éventrent les sacs d'ordures. Le cœur cogne à mes tempes, sans doute le soroche. C'est ainsi qu'on appelle le mal des montagnes. L'altitude raréfie l'oxygène, ce qui crée toutes sortes de symptômes. Mais cela me convient. Mieux encore, cette tristesse diffuse, ce léger vertige me semble être l'expression la plus juste de ma façon d'être là. Combien d'endroits de par le monde où l'homme suffoque encore? Tant de paysages déroulés comme des tapis devant ses pas. Le soroche est ce dialogue âpre et douloureux que le corps engage avec la montagne, sur ces plateaux d'altitude aux bords extrêmes du monde, où les arbres ne vont plus. Imprégnation d'un pays dans le sang, dans l'effort. Nous respirons chacun notre tour, une fois sur deux. Plus tard encore, allant chercher de l'eau dans la cuisine, je bute contre la porte d'un placard entrouvert, où sont entassés les sacs de riz, de nouilles, des tambours de machine à laver, et la petite Christina, couchée par terre sur un bout de matelas, n'ayant pas même la place d'y étirer ses jambes. Un jour, dans un recoin secret du Mercado Belém, je rencontre Antonia. Si tu rêves que tu as été mordu par un chien, de raisins noirs, de rivières tumultueuses, que tu changes d'habit, que tu perds tes dents, c'est que tu vas mourir. Ce n'est pas qu'Antonia soit obsédée par la mort, mais la Toussaint approche. Partout sur les trottoirs, aux abords des marchés, ses couronnes de plastique noir et mauve, ses pins tressés avec une tête de cheval ou d'enfant. Et comment faire alors pour conjurer le rêve ? Tu le racontes à ton chien en lui maintenant la bouche ouverte. Le chemin qui mène à Antonia plonge d'abord dans une cacophonie de couleurs, de parasols, de bouquets empilés, maïs violet, jupons fuchsia. Comme le soleil est haut, on s'éblouit, on se penche, les mains en visière. On passe le premier seuil entre deux étals d'épices et brusquement, tout s'éteint. Le Mercado Belém est un marché de torpeur, à l'ombre d'un cèdre géant. Une sieste qui n'en finit pas. Le contraste est saisissant. Ici, on chuchote, les jupes sont plus ternes. Trois couleurs seulement s'y promènent. Un bleu-gris, un vert tendre et toutes les nuances du brun. Ici, je veux habiter un moment. Les voyages ont besoin de cabanes, de refuges où s'accroupir, le temps de ramasser nos traces. On reconnaît ces recoins au besoin impératif de s'y asseoir et de sortir le carnet. Je m'étais accroupie dans un coin pour écrire quand Antonia est venue me porter un thé brûlant. Autour de nous, les femmes déballent ces colis d'herbes odorantes et soyeuses où les courgettes sont endormies. Ces bottes fraîches tiennent lieu de frigo. Tous les légumes y sont cachés. L'activité du Mercado Belém se résume à libérer les carottes, les tomates, en déroulant lentement le grand tapis de sève, pour le refermer avec le même soin le soir venu. Dans l'intervalle, tout le monde rêvasse, assis dans l'herbe. Sans doute ici, les âmes sont-elles plus nombreuses qu'ailleurs ? J'ai l'impression de les entendre tinter dans les silences, gratter l'écorce du grand cèdre, où sont piqués quelques cheveux. Et quand tout est fini, quand l'âme a enfin ramassé toutes ses traces, alors commence le grand voyage. Encore ? Oui, mais là c'est différent. Là où elle va, elle ne connaît pas. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Premier épisode. Chloé Réjon, Ruth Oleizola, Clément Bernou, Carlos Donoso, Luis Chugar Panoso, María Hugo, Marisol Gómez, Julio Arguedas, Manuel Ulloa Colonia, Emiliano Suárez. Chanson originale de Luzmila Carpio. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Claude Niort, Arnaud Chapat, Lélio Ploton, Laurie Goroff. Remerciements à Jean-Philippe Navarre, Benjamin Chauvin et Jean-Marc Lotel.